Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. On a failli confondre les maisons, pris dans des étalages de sentiments. On a failli apprendre à séparer. On avait pris pour cible l'étranger. On a failli chanter en allemand, confondu les nuages de 16 ans. La haine survécut si lentement. On a dormi ensemble si longtemps. On a fermé de portes trop souvent. Calfeutré pour gagner l'isolation. Rafraîchit la mémoire à haute tension. de l'état de stress post-traumatique. Ça se manifeste par un comportement d'angoisse, un niveau de rencontre avec des tremblements, et puis surtout une image récurrente du traumatisme vécu par les rêves, par les bruits, par l'environnement de soi, par des moments de souffrance d'angoisse, qui ressent le temps qui se fait très vite dans le fond de moments comme ça, très fort. Et l'important de pouvoir le faire. Je suis encore vivant. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils arrivent à évacuer, à expliquer ce qu'ils ont ressenti et surtout en parler le plus possible pour pas garder ça en eux et pas se rester avec les images qu'ils ont dans la tête. En général, ils sont plutôt un peu prostrés pour la plupart, où ils parlent entre eux et c'est pas mal qu'ils discutent entre eux parce que chacun se raconte quasiment la même histoire. Salut à tous, ce soir dans votre Radio Lozinque, pas de nouveautés, juste des habitués, voire des estampillés. À commencer par les cadavres exquis de Agora Fidelio, enchaînés tout de suite avec le Raison de Aston Villa. Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain. La belle et grande aventure. Alors je monte le son. Alors je monte le son. Et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Je m'isole. Je cherche quelque chose. Résonne. Voici à présent Neige par Dionysos. Allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi dans la nuit noire, éclaire-moi maintenant, je ne suis plus vraiment comme avant. C'est un cimetière d'étoiles cassées qui a poussé hier dans mes poches glacées. Bon anniversaire. Come on, little mama. Come on, little bird. Don't stay all alone in the rain. Come home, little mama. Come home, little bird. Don't stay all alone in the rain. Mais allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi. J'en veux encore des bras, mais comme les tiens, tiens-toi bien, je me tiens bien. J'en veux encore des étoiles filant entre les doigts, dans le ventre et le cœur, plantez-moi, je me soulèverai. Allez, petit, fais-nous voir ça. Je ne sais plus comment ça marche, les éclairs, mais oh, j'en veux encore. J'en veux encore. J'en veux encore. J'en veux encore. Encore. Encore. Il faut réparer, recoller, me recoudre à la foudre superglue des cieux. Messieurs, dames, je ne vais peut-être pas y arriver, mais allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi. Envoie-moi tes flacons d'éclairs tendres, tombe sur moi, avalanche, avale-moi, je me soulèverai la terre avec mon petit doigt visé à la mer. Et si je pique encore une colère, tout s'écroulera sur ma gueule comme avant et maintenant. Comme avant et maintenant qu'il fait tout le temps. Nuit sur toi maintenant qu'il fait tout le temps. Nuit sur toi qu'il fait tout le temps. Nuit sur moi, sur toi, sur nous. Comme don't stay alone in the rain. Sans vouloir faire dans le morbide ou dans le triste, j'ai découvert il y a quelques jours la disparition d'une artiste des années 80 qui avait fait un tube, Body Physical. Elle s'appelait Buzzy. Ce soir, Radio Le Zinc lui rend hommage. Thank you. vietnamienne m'allonge. Elle joue sur moi du piano et ses doigts en tempo martèlent mon cerveau. Quand j'ai la chair de peau, j'ai la chair de peau. Body, body, physical, sexe. Ce soir, votre Radio Lozinc n'a pas d'idée derrière la tête, pas de message à faire passer, juste envie de vous faire découvrir ce que nous aimons. Et après la triste disparition de Buzzy, revenons à la vie avec les gars de Belgique de Été 67. Son manager, on nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on ne dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on ne dit rien. Hey! Savoir pourquoi Napoléon mettez la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucmuche et l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache, caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. Ah, on nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous cache tout, on nous dit rien. On

tragique. Et nostalgique de la chaise électrique. Des frustrés cyniques qui règlent le cirque. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Avec, à deux, nous sommes là. On fire. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Au cœur, bonheur, nous sommes là. Mais dans la culture de Radio Zinc, ce que nous aimons, c'est rendre hommage à nos anciens. Au tonton du rock belge, par exemple, Arnaud, qui vient de nous chanter « Mourir à plusieurs ». Et puis d'un seul coup, foncer vers Brune, les prometteuses brunes. Je n'ai pas. chemin. Je suis parti petit pour devenir immense. J'ai tout fait sans épine ni chance. J'ai rêvé, je sais, c'est normal. J'ai ramé, je sais, c'est normal. Comme Perceval. Je suis parti de rien, en voulant plus que tout, en priant c'est certain, surtout. Je suis parti minable, pour devenir idole, pour être formidable, rigole. J'ai rêvé, je sais, c'est normal. J'ai ramé, je sais, c'est normal. Comme Perceval. Je suis parti petit pour devenir immense. J'ai tout fait sans épine ni chance. J'ai rêvé, je sais, c'est normal. J'ai ramé, je sais, c'est normal. Comme Perceval. Il est de bon ton, quand on est un amateur de rock, de parler de Radiohead et tous ces groupes grands bretons, anglo-saxons, voire américains. Alors qu'en France, nous avons laissé mourir Perceval et Lista que nous venons d'écouter, mais que nous avons aussi Feu Chatterton, qui chante un monde nouveau. Dans Radio Le Zinc. Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville. Du climat subsaharien, on n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps,

sommes de ceux qui ne renoncent pas. Des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui combien de terre capables du trois qu'essaient. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main. Soit selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez leur propre férocité. Des requins figues en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur pardon, faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre, qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Allez. Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort, un coup de grenade lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue, pour la séduire, la ramener et lui faire amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis, qui captent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui enfuit, tout ce qui est caché et qui demande qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt, parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une faute cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir, comme s'ils étaient poursuivis par les balles qui ne laisseront jamais les mâchoires, sauf pour sortir les crocs. Sauf pour sortir les crocs. Sortir les crocs, frérot. Sauf pour sortir les crocs. Mais puisqu'il ne faut pas oublier les toujours bien vivants, Radio Zinc vous offre au 104.6, comme tous les jeudis à partir de 17h et ce jusqu'à 18h, une petite nouveauté, les Lulu Van Trapp qui nous chantent l'amour et la bagarre. Nouvelle mélo, nouvelle musique, nouveau sujet à aborder. Nouvelle compo, nouvelle critique, nouveau texte à balancer. Justice, misère, le nucléaire, la révolution par internet. Les utopies, que dire, que faire, car même la guerre je l'ai déjà faite. Mais ce matin j'ai la tête vide, neurones absents, les mots me manquent. Un bateau ivre à la dérive et même mon bic est en panne d'encre. J'ai la batterie un peu usée, y'a plus d'essence dans le cerveau. C'est la panne sèche des hémisphères, pourquoi je me suis levé si tôt. Elle est entrée, une petite voix me glisse tout bas. T'es trop sérieux, sois plus léger, second degré, alors laisse-toi aller. Comme un joli souvenir d'enfance, une belle balade printanière. Un vol de mouette en plein été ou le coup de foot du mois de juillet. Pas facile, la facilité, ça peut peser 3 tonnes, la légèreté. La même page blanche comme un Everest, un nouveau pic à dominer. Par la face nord, par la face est, une nouvelle voie à explorer. Mais j'ai l'esprit toujours à l'ouest, rien ne me vient, je reste au pied. Je suis loin de l'ivresse et des sommets, ça serait plutôt la brasse coulée. Alors arrête de prendre la tête, sinon y'a le gaz ou bien la fenêtre. Sois plus léger, second degré, alors laisse-toi aller. Artificiel pour me lâcher, pour alimenter du superficiel, un truc illicite qui pourrait m'aider. En barre en poudre ou en fumée, même du légal à décapsuler. En pack de 12, mais à ce temps-là, même le rebeu il est fermé. L'amour, la haine crée des dilemmes, ça c'est génial, ce serait le drame. Pour déclencher l'inspiration, ah si seulement j'avais deux femmes. De petites histoires en parallèle, se faire aimer, se faire haïr. Quand les extrêmes créent des problèmes, au moins y'a toujours quelque chose à dire. Encore une fois, sa petite voix me glisse tout bas, lâche tes idées, lâche ton stylo. Viens t'allonger, puis surtout laisse-toi aller. L'heure de nous quitter est déjà là, je n'aurai même pas le temps de vous passer la totalité de ma programmation. Tant pis, voici quelques minutes, quelques secondes de Noir Désir. Sur ce, bis à messieurs, bis à mesdames. Avec les manières que tu as toujours, quand tu traînes.